C'est la même question. Qui est cette vieille dans ma maison? Monsieur Gris la pose sans arrêt. Depuis maintenant 20 bonnes années. Pourtant, au début, c'était clair. Il s'aimerait la vie entière. Mais 45 ans de mariage. Ces beaux présages, la guerre chez eux a commencé quand leurs enfants s'en sont allés. Dès lors, ils n'avaient plus de frein. Ils se détestaient bel et bien. Le fléau, c'était la routine. Et si vous souhaitez l'éviter, n'appelez pas votre femme Mimine. C'est comme ça que tout a commencé. Cette guerre, ni de dommages collatéraux, si ce n'est un vieux chat, un bonsaï et tout un tas de vieilles photos. Mais ici, pas de fin tragique, pas de cadavre au dernier couplet, juste l'histoire d'amour classique qui aurait pris quelques années. Pourtant cette guerre au quotidien, qui d'autre que l'a commencé? C'est vrai qu'en fait il l'aimait bien. Ça fait quelque chose à quoi penser. Le fléau c'était la routine.